Chapitre 6. Lorsqu'il se trouva dans la rue, il s'éloigna à grandes enjambées. Les lumières des magasins le gênaient. En passant devant un cinéma, il vit une affiche. C'était l'héroïne d'un film. Elle pleurait. La candeur de ce visage éveilla chez Henri Duchemin un besoin d'amour qui le fit pleurer à son tour. À mesure qu'il s'éloignait de ce quartier, les réverbères paraissaient plus nombreux, les trottoirs moins étroits, les fenêtres plus grandes. Henri Duchemin longeait le mur couvert de lattes d'un cimetière lorsqu'il aperçut une ombre qui le précédait. Il pressa le pas. Bientôt il côtoya un vieillard dont le pardessus trop long masquait les mains. « Le froid est vif !» dit Henri Duchemin. La barbe blanche de l'inconnu lui inspirait confiance. Il avait peur d'être seul avec lui-même. Causer avec ce vieillard jusqu'au matin ferait passer le temps. « En effet, vous rentrez sans doute ?»« Oui. » Il y eut un silence. Les deux hommes marchaient côte à côte. Henri Duchemin aurait voulu marcher plus vite, mais il ne le faisait pas. « Et vous, jeune homme, où allez-vous »« Je pars à l'aube. »« Quel est votre métier ?»« Employé. » Au-dessus du mur se dressaient quelques croix noires, plus loin derrière le cimetière des maisons neuves. « Vous ne savez peut-être pas où dormir ?» demanda le vieillard. « Non. » « Venez chez moi, il fait moins froid, je n'habite pas loin. » Les deux hommes s'aventurèrent dans une rue obscure. La clarté de l'aube commençait à poindre. La lune avait disparu. Elle n'avait pas attendu que le soleil fût là pour le faire. De temps en temps, ils passaient sous une voûte. Enfin, ils pénétrèrent dans une maison isolée, battue sur toutes ses faces par le vent. Aucune veilleuse ne guidant leurs pas, ce fut à tâtons qu'ils gravirent l'escalier. À chaque étage, dans la crainte de se cogner, ils levaient le pied une fois de trop. Au-dessus d'eux, des charpentes de bois dessinaient l'escalier à l'envers. Les courants d'air fermaient les portes avec fracas. « Attendez, il faut que je cherche ma clé. » Quelques secondes après, les deux hommes pénétraient dans un taudis. Le vieillard alluma une bougie. Un journal couvrait la table. Henri Duchemin s'assit dans un fauteuil qui n'était pas plus solide que celui de sa chambre. Lorsque le vieillard eut ôté son pardessus, il apparut dans une jaquette usée, dans les pans bien distincts de laquelle il y avait une poche. Avec ses mouvements secs des vieillards, il allait, venait, se baissait. Il dut, avant d'allumer le feu, tirer à plusieurs reprises la grille du poêle. Le nuage de cendre qui s'éleva blanchit ses souliers en retombant. Des hardes accrochées à des clous s'élargissaient vers le sol. Il y avait peu d'air dans la mansarde. Une dentelle de papier bordait une planche. Sur cette planche, une fourchette, du sel, une boîte. Partout des meubles cassés, rongés, des meubles que l'on rencontre les jours de terme dans les voitures à bras. Le feu flambait, on le voyait entre les cercles du poêle. Le vieillard rangeait. Il s'arrêtait parfois pour demander à Henri Duchemin s'il n'avait pas froid, ou bien il approchait sa main de la lucarne pour s'assurer que l'air ne passait pas. Il s'assit enfin. Son visage était éclairé par la flamme de la bougie. Il se tenait droit sur son tabouret, les jambes l'une à côté de l'autre, les mains jointes. Le cercle de fumée que faisait la chandelle sur le plafond remuait sans cesse. On n'entendait que les crépitations du bois. Une douce chaleur envahissait la mansarde. Des gouttes, comme de l'encre délayée, tombaient du plafond. Le vieillard versa des cendres sur le feu. Il parut s'éteindre. Une fumée épaisse s'échappa du tuyau mal joint. Puis tout à coup, il reprit de plus belle. Henri Duchemin s'aperçut avec joie que l'aurore blanchissait la lucarne. Il avait le sentiment que tout était pour le mieux. Surtout, il ne fallait pas qu'il pensât, car il risquait de devenir triste, ce qui eût été ridicule au moment où le jour se levait. Il avait tout de même bien mérité une existence plus douce. Il avait souffert sa part. Maintenant, il pouvait trouver que le monde était bien fait. Il faut qu'il y ait des gens heureux et malheureux. Il regarda le visage douloureux du vieillard. « Vous êtes un malheureux, vous, dit-il. » « Oui. » Vous n'avez pas eu de chance. » « En effet. » « Maintenant, vous savez, c'est trop tard. Moi, à votre place, je ne sais pas ce que je ferais. » « Que voulez-vous? On s'habitue à tout. Je ne suis pas si malheureux que je le parais, » répondit le vieillard. « Vous n'êtes pas malheureux. » « Non, ni heureux. » « Eh bien, moi, je suis heureux. Je peux faire tout ce que je veux. On ne se moquera plus de moi. » Je pars pour l'étranger tout à l'heure, et j'ai beaucoup d'argent sur moi. On ne le dirait pas. Non. Vous voyez, on peut se tromper. J'ai de l'argent et beaucoup plus que vous ne pensez. Oui, mais vous avez tué quelqu'un. Henri Duchemin pâlit. Il lui sembla que le sang de son corps se sauvait au dehors par un trou. Il regarda ses mains. Elles étaient ouvertes. Il ne les avait jamais regardées quand il souffrait. Ce n'étaient plus ses mains. Le vieillard parlait, il disait. J'obéis à la voix du ciel. Elle me dit de rester pauvre. Elle me dit que le bonheur, c'est l'amour de Dieu. Une lueur pâle tombait de la lucarne. Les taches du mur tournaient autour de la mansarde. Le vieillard priait. Il oscillait comme si son tabouret eût reposé sur un nuage. Henri Duchemin balbutiait. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Je suis perdu. J'ai tué. J'ai tué. Le vieillard leva les yeux. Pour vous racheter, il faut souffrir. Le ciel s'éclairait toujours. Les étoiles, une à une, disparaissaient. Soudain, une allégresse infinie envahit l'âme d'Henri Duchemin. Une vision béatifique fit place au mur sordide qui l'entourait. Doucement, dans le grand jour, le vieillard, debout, une main levée, s'éloignait. Des myriades d'étoiles flamboyaient comme des diamants. Ébloui, Henri Duchemin marchait dans les allées du paradis. Il y avait partout des corbeilles de fleurs, des vases dorés. Des anges volaient, la tête en bas. « Oui, j'ai tué, mais je vais souffrir, souffrir toute ma vie. Je vais me racheter, on me pardonnera. Je ferai tout, j'endurerai tout pour que l'on me pardonne. Ah, être pardonné, que je vais être heureux. Je veux souffrir, souffrir toute ma vie. » Mais, comme un vol d'oiseau, les anges partirent tous ensemble vers un coin du ciel. Henri Duchemin les suivait des yeux. Il les voyait devenir toujours, toujours plus petits. Alors il tourna son regard vers les vases, mais ceux-ci n'étaient plus dorés. Il écarquilla les yeux pour mieux voir. Il s'éveilla. Henri Duchemin se leva. Le froid avait glacé son corps. Il reconnaissait maintenant le papier des murs et la commode dont il n'avait pas la clé. La lumière de l'aube pénétrait au travers des rideaux. La marche de la cheminée, les deux chaises, le lit n'avaient jamais paru si immobiles. Henri Duchemin ramassa son chapeau et sortit. Il vit pour la première fois des pots de fleurs à la fenêtre de la concierge. La rue était déserte. Un calme effrayant tombait du ciel sans astre. Avec de nombreux coups d'ailes, un oiseau traversait lentement l'espace. Henri Duchemin alla droit devant lui. À l'horizon, des fumées immobiles se détachaient sur le ciel gris. C'était le jour de Noël. Il se souvenait un peu de son rêve. Il se souvenait un peu du vieillard qui avait dit que pour se racheter, il faut souffrir. Mais cela ne le concernait pas, puisqu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Vienne, 1922.